Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie R. Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie R. Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. On va parler avec du multiconcessionnaire de Drebeau-Mississier. On a parlé avec Frédéric Mérette dans le temps des fêtes. Là, maintenant, on va parler avec un autre joueur. C'est un vétéran de l'équipe. C'est Billy Ménard, le défenseur. Salut, Billy. Salut, Danny. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Billy, évidemment, si on parlait un peu de l'équipe du multiconcessionnaire, c'est défaite de 9 à 5 en fin de semaine. C'est-tu bien dur de revenir après une pause des fêtes comme ça, se remettre dans game shape et ainsi de suite? C'est sûr que pour nous les joueurs, là, c'était quand même difficile. Mais tu sais, on c'était pas une excuse là, parce qu'on s'entend que Charlevoix, ils ont probablement pas eu de pratique non plus là, durant le temps des fêtes. Donc mais évidemment, là, comme toute personne durant le temps des fêtes, là, on peut se laisser aller là, donc au point de vue de la boisson ou de la ou de la nourriture. Fait, c'est sûr, c'est un petit peu plus difficile, mais je crois pas que c'est la raison là, du à la défaite en fait. Ça ne doit pas être dur de se motiver quand on affronte Charlevoix, parce que je te dirais que deux équipes qui sont vraiment normalement, si tout va comme prévu, ça va être encore là, ces deux équipes-là qui vont être de retour en finale. Ça doit pas être dur de se motiver contre la grande équipe de Charlevoix, là. Non, certainement pas. Là, c'est la motivation était là. Donc c'est ça, Charlevoix, là, c'est un bon club. Je dirais que même du côté de Saguenay maintenant, là, donc Jonquière qui est rendu Saguenay, une très bonne équipe là, de ce côté-là également. Donc, tu sais, même Forestville, là, ça, oui, ils ont peut-être une fiche négative pas très positive en ce moment, mais c'est tout à fait, il y a une bonne parité quand même, là, malgré la fiche de Forestville dans la Ligue. Donc, la motivation là, reste là à tous les matchs. OK. Dis-moi, comment t'as été là depuis l'an 1, comment t'as trouvé un petit peu, trouves-tu que la Ligue s'améliore, trouves-tu que la Ligue... vous êtes rendu qu'une quarantaine de joueurs. Comment comparé à l'année passée, est-ce que tu trouves que le calibre s'est encore amélioré? Une couche au-dessus? Oui, je pense sincèrement, là, en général, là, le calibre s'est amélioré. Là, on a eu des ajouts là, de noms dans la ligue. Donc, juste de notre côté, on a Simon Tremblay, là, que c'est un gros nom là, qu'on a ajouté. Je pense à Vigneault Bélanger, là, à Jonquière, à Saguenay. Donc, tu sais, ça, c'est des gros noms là, que ça fait améliorer le calibre de la ligue. Donc, je pense qu'en général, la Ligue, là, il a augmenté en termes de qualité. OK. Si on parlait un peu de l'équipe, comment tu vois la fin de l'année avec le multiconcessionnaire? C'est sûr, ça va être une grosse fin de saison qui approche. Là. C'est sûr que je ne cache pas le premier rang. Là, on le vise, puis on y croit, là, ça c'est clair. C'est vraiment notre objectif premier là, d'atteindre le premier rang. Fait que c'est sûr que sept matchs là, vont être importants là, pour la reste de la saison, donc encore plus pour les games contre Charlevoix et Saguenay. Donc, ça va être des matchs de 4 points là, à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est certain qu'une défaite peut faire très mal, mais en même temps, une victoire peut nous aider énormément. Donc, on a l'intention là, de finir premier, puis on va tout parce faire que là, pour y aller. L'année passée, c'est ça qui vous a coûté la finale, l'avantage de la glace, hein? Parce que lorsqu'il est allé le septième match, vous êtes retourné à Charlevoix. Souvent, c'est des trois matchs. C'est des. La dernière, si je me rappelle bien, la dernière fin de semaine, il y avait trois matchs. Là. C'est ça qui a coûté peut-être la défaite, le fait que vous n'aviez pas l'avantage de la glace. C'est important, là. Ah, effectivement. Ça, c'est clair, là, l'avantage la de la glace. La foule, et ainsi de suite. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, quand on est chez nous, ben, c'est certain, c'est plus facile. Il n'y a pas de transport à avoir. Tu sais, c'est pas mal plus facile. Donc, c'est clair, l'avantage de la glace, là, l'année passée, c'est sûr qu'on peut pas le savoir, là, mais ça aurait pu changer là, au niveau du résultat. Donc, jouer trois games dans une fin de semaine. Donc, le vendredi, on avait été à Charlevoix. Le samedi, c'était à Normandie. Et le dimanche, on avait retourné à Charlevoix. Donc, c'est sûr qu'il y avait eu beaucoup de transport. En même temps, Charlevoix, il avait voyagé aussi. Mais quand même, là, il avait fallu qu'on se déplace deux fois. Donc, non, mais le boost de la foule, tu sais, quand on dit que c'est soyez septième joueur, c'est votre slogan, d'ailleurs, soyez septième joueur. Hein. C'était de mise, je pense. dans cette série-là, je te parle. Ah, c'est clair là, que cette série éliminatoire-là là, a été, ouais. L'avantage à Dallas là, peut avoir joué. Puis c'est important de la gagner là-dessus. Billy, donc c'est important aussi. Hey, à Dolbeau, mais ça se dit 600-700 personnes. C'est vraiment surprenant. Hein? Vraiment, ouais. Honnêtement, là, ça s'est amélioré comparativement l'année passée. Ça, c'est plaisant là, ouais. Voir ça. Puis même comme joueur, tu sais, qui est natif du coin, là, c'est vraiment, vraiment plaisant là, à vivre ça, pouvoir jouer devant une foule aussi importante. Puis, tu sais, on se cachera pas, on est la foule la plus importante dans l'allée. Donc, tu sais, c'est quand même le fun de jouer devant la foule la plus importante. Puis, en sachant que ça augmente d'année en année, ben, c'est sûr qu'on a juste 2 ans, là, mais tu sais, sachant qu'il y a quand même une bonne augmentation versus l'année passée, ben, c'est juste que du positif là, pour les prochaines années. OK. Ben, Billy, on va te souhaiter la meilleure des chances. Toujours intéressant de te parler. On se reparle probablement d'ici 5 minutes. On va continuer à faire le tour des joueurs du multi. Ben, certainement, Danny. Voilà, Billy Ménard, le défenseur du multi-concessionnaire.